piste cyclable, moi sans issue. Carrefour giratoire, feu tricolore, c'est le passage. Prière de ne pas stationner. Contre sécurité, virage droit, virage gauche, sont dangereuses, risque de chute de pierre. Accès interdit, limitation vitesse, chemin obligatoire pour cavalier. Projection de travillon. Top à 100 mètres, route barrée. Barrière de dégel. Autre danger, air sur route, accident.